pas vraiment synchronisé, mais on fera avec. Hein. C'est le tempo qui veut ça. Tiens, la poêle. À poil. Bon, c'est pas top ce truc. C'est rock and roll là. Rock and roll. Mais j'ai foutu un grand coup de clé sur le manche, alors j'ai serré le manche, enfin je vois, j'avais un problème, alors peut-être pas aimé. Attends, il y a bien un truc pour vérifier le niveau sur Reaper. C'est le petit truc rouge là, c'est ça? Même marque. Le chant il marque trop fort. La batterie, on voit pas. Allez, 0. muter ça. La guitare a monté. Attends, je vais muter le son. Bon, apparemment, ça a l'air bon là. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey, hey. One, two, three. Take, take, take. Oh, oh, oh, hey, oh, un, s, oh. Bon, je sais pas si la guitare qu'on entend elle est pas trop forte la mienne. Corinne, Corinne, elle est où, Corinne? Corinne, t'es là? Y'a Corinne, putain. Manque une basse. Attends, je vais enlever ce délai. Délai. Il est nul ce délai là. Pas de délai. Pas de délai avec Polissimo. Attention. What's in the frame? pas trouvé le truc. Je recommence. 1, 2, 3. Come on. Guitare qui me dérange, alors je gratte un petit peu. Bon, je recommence. changer la fin. Attends. Ah, ça va mieux le son. Ouais. Je change la fin. On va faire un 32. On fait un petit 32 pour la forme. Un petit 32. Un petit 32, d'accord ? Attention. Et je fais un changement à la fin. Thank you. Oula, ça va trop vite. Oula, oula, oula, oula, on se calme. On a qu'à 100. Hein. Attends, ouais, c'est bien ce truc là. Faut que je le fasse partir. Attends, faut que je fasse partir. Attends, hein. Je vais le recaler. Caler. Je vais essayer. Thank you.